Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, on vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau-Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions et vous rappelle qu'acheter localement, c'est soutenir notre économie. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Les Aigles de Roberval étaient en action au cours du dernier week-end. On en parle avec notre ami Simon Godreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, en fin de semaine, comment ça s'est soldé du côté des Aigles? Fin de semaine très positive. On voit que nos équipes progressent très bien. Je te dirais, là, en Benjamin, pour commencer, là, une victoire contre le Séminaire Saint-François. 2-0, je te dirais que c'est une victoire signée Émile Pagé, là, un jeune originaire de Dolbeau, là, qui a été tout feu tout flamme devant le filet des Aigles. Très belle prestation, là. Même eu un standing ovation là, des partisans qui étaient là en grand nombre. Donc c'était le match d'ouverture, hein? Ouais, c'était les présentations officielles là, en fin de semaine là, de nos trois équipes. Là, donc ouais, c'était les matchs de présentation pour nos joueurs. OK. Donc ça a bien été ailleurs maintenant. En cadet, les cadets ont subi une défaite. Un match chaudement discuté. C'est vraiment l'indiscipline qui les a coulés. C'est le problème de notre équipe cadette depuis les deux, trois dernières semaines. Je dirais beaucoup d'indiscipline de leur côté. On fait des vidéos avec eux, on le monte. C'est beaucoup des punitions, je vous dirais, des slashings, de l'accrochage. C'est des petites choses techniques qui ont de la difficulté. Ils ont de la difficulté à utiliser le bâton de la bonne façon. Donc, on travaille là-dessus depuis deux semaines maintenant. Fait qu'on ça devrait changer dans les prochaines semaines. Notre équipe juvénile, eux, ont partagé leur fin de semaine. Une belle victoire de 6-1 contre Pointe-Lévis le samedi, suivi d'une défaite le lendemain là, de 4-1, si je me trompe pas, contre la Camarasière. 3-2, pardon, contre la Camarasière. Un match là, qui était vraiment du beau hockey. C'était vite des deux côtés. Il y avait des chances de marquer des deux côtés. Là, je dirais que ça a vraiment été une belle fin de semaine. On voit que nos équipes progressent et on est très contents. Bon, ben, c'est bien ça. Bravo. En fin de semaine, ça ressemble à quoi? En fin de semaine... En fin de semaine, notre équipe juvénile étant, c'est une fin de semaine dans le fond de 4 jours, là, étant donné que c'est la fin des bulletins lundi et mardi là, chez nous. Donc, le juvénile joue lundi sur un programme double avec le Benjamin. Le Benjamin, eux, joue dimanche contre Alma et lundi à Québec avec le juvénile. Et le cadet, eux, sont en action samedi à Québec et lundi à Trois-Rivières. Ah, OK. Donc, c'est une fin de semaine sur la route là, pour toutes nos équipes. Une fin de semaine, dans le fond, qui va se rapporter jusqu'à lundi là, pour nos matchs. Dans l'ensemble, ça va assez bien. La ligue comme telle, Robert Vall t'a dit que ça va bien, mais ailleurs, ce que tu as vu, les instances sont-ils intéressantes? Ailleurs, tu me parles dans la région, tu me parles ailleurs au Québec. Au Québec. Au Québec, oui. Honnêtement, je trouve que l'encadrement de la Ligue est super bien. Il y a du développement au niveau... Il y a du développement à tous les niveaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du développement au niveau des joueurs. Il y a du développement au niveau des entraîneurs. On voit beaucoup de jeunes entraîneurs qui ont des équipes. Puis également, je trouve ça important, c'est le développement des arbitres. Okay. C'est un manque en ce moment. On sent qu'il y a un petit vent de nouveau, un petit vent de fraîcheur au niveau des officiels. Puis, tu sais, par exemple, avec la LEQ, c'était la vitrine provinciale pour les arbitres, avec le RSEQ, ça permet de développer un petit peu plus large au niveau des officiels. Ouais. Puis, ils sont super bien supervisés. Donc, je trouve que c'est une belle ligue de développement pour toutes les sphères de... Simon, est-ce que tu as lu les papiers de Phil dans le journal quotidien Phil Desgagnés sur les arbitres? Non, j'ai pas lu malheureusement. En fait, la semaine passée, il a parlé à Dan Radio Sport aussi, Phil. Dans le fond, là, un sport étude axé sur l'arbitrage, est-ce que ça se pourrait? Ben Est-ce que ça se fera d'abord? Parce que moi, je trouve ça intéressant parce que veut pas, là, il y a un manque quand même d'arbitres au Québec, là. Dans différentes ligues, on a de la misère à trouver des arbitres. Écoute, la Ligue JMS me l'a dit la semaine passée. Ce qui est intéressant également, ce que Phil soulevait le point, beaucoup plus de chances de faire une carrière comme professionnel dans l'arbitrage que comme joueur d'hockey. Donc, ça vaudrait peut-être la peine. Un sport. Pense un jeune qui va à l'école le matin et qui est en sport et tout, arbitre l'après-midi, je veux dire, c'est quoi? Il se met en forme. Parfois, oui, il peut avoir des matchs, mais tu sais, je veux dire, moi, je pense que à l'intérieur, je vais donner l'exemple, à l'intérieur de mon programme à Robertval, on va offrir à nos jeunes cadets et juvéniles de devenir exemple officiel, de suivre le cours. Ensuite de ça, ben ils peuvent venir arbitrer nos matchs Benjamin sur semaine, sur les lignes, par exemple, où les juvéniles peuvent arbitrer sur les lignes les matchs cadets, puis commencer à faire une roue qui tourne par rapport à ça. Il y a un beau projet qui s'est fait aussi dans la région, c'est dans le fond, là, c'était 4 arbitres. Il y avait comme des arbitres d'expérience avec des jeunes arbitres qui étaient avec eux sur la glace, puis ils pouvaient juger de leurs décisions en direct, si on veut. Okay. C'est comme si moi et toi, on arbitre. Moi, je suis l'arbitre qui est attitré, toi, t'es à côté de moi, puis tu me supervises avec tes patins sur la glace, puis tu fais les mêmes déplacements que moi pendant un match. Donc, je trouve que de ce côté-là, ça innove beaucoup. De là, faire un sport-étude arbitre... Ça devrait être un complément dans les sports-études de faire des volets officiels, oui, pour justement, je pense, créer une relève là-dedans. Mm. Puis, c'est ça, mais tu sais, t'as de l'air faire un sport-études. Je réfléchis tout haut, tu sais. Je réfléchis ça tout haut. Non, c'est correct. Mais, tu sais, c'est parce que Phil amenait des bons points. Puis, je sais que Denis Morel, qui est l'ancien arbitre, était sur les médias sociaux, puis a répliqué à Phil là-dessus. Puis, je trouvais ça intéressant. En tout cas, bref, peu importe, parce que. Il y a un manque d'arbitre. Et, tu sais, à quelque part, le criage dans les arénas après chandail rayé, le monde, les gens vont se tanner, là. C'est pour ça, là, je te pose. Ça, c'est sûr, certain. Simon, les gars de Tolbeau Mistassini, comment ils se comportent? Ça va très bien, honnêtement. Bon, là, en juillet, on a joué la voie qui était très vite, on a fait un jeu aussi. Ensuite de ça, en cadet, Félix Gravel va très bien également. En Benjamin, là, il y a beaucoup de progression. On avait des jeunes là, qui étaient. On avait des jeunes qui, dans le fond, qui manquaient un petit peu de village pour certains. Ça va très bien. On les voit progresser, là, je dirais, de semaine en semaine. Donc, ça va vraiment bien. Le gardien de but en Benjamin va super bien aider le Pagé, comme je disais tantôt. Il a eu une superbe fin de semaine. Elle revenait de blessure en plus. Donc, sérieusement, on est très satisfait des gens de Dolbeau. OK. Ben, Simon, on se reparle la semaine prochaine. Super. Merci. Voilà, donc c'est la chronique des Sabres de